comme tous les lundis, nous parlons de l'humain et de son histoire. Longtemps, l'apparition du genre homo a été associée à l'outillage et à la faculté des premiers hommes à transformer leur environnement, notamment via la taille de la pierre. De là vient d'ailleurs le taxon d'homo habilis, l'homme qui sait faire, l'homme qui utilise ses mains. C'était sans compter la découverte des outils dits de l'homécui, des pierres taillées unipolaires et unifaciales, qui remontent à près de 3,5 millions d'années, soit 700 000 ans avant les plus vieux outils jusqu'à présent découverts en Éthiopie. Qui étaient ces premiers tailleurs de pierre et surtout l'outil précède-t-il l'humain ? Premiers outils, une énigme de taille, c'est le problème que nous nous proposons de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour résoudre cette énigme de taille au sens propre comme au sens figuré, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui ici dans le studio de France Culture à la Maison de la Radio, Roxane Roca, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en archéologie préhistorique à l'Université de Paris 1. Vous travaillez cet été dernier sur l'un des sites du sud de l'Italie où se trouvent certains des plus anciens bifaces d'Europe. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Gironde à Bordeaux avec Éric Boéda, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de préhistoire à l'Université Paris-Ouest Nanterre et membre de l'Institut Universitaire de France. Vous pouvez suivre, vous le savez désormais, quel besoin de vous le répéter chaque jour, cette émission en direct sur les ondes ainsi que sur Twitter en vous abonnant à notre compte, @laméthodefc. On publie chaque jour un certain nombre d'études, d'images, d'illustrations qui pourront vous permettre de vous représenter les outils dont nous parlons en l'occurrence et dont nous allons parler tout au long de cette heure. Alors, pour commencer, avant de parler de ces fameux outils de l'homécui, peut-être faut-il rappeler quel était le consensus jusqu'à la découverte, puis la publication autour de ces outils qui datent respectivement de 2011 et de 2015 sur le début de l'outillage humain, Éric Boéda. Le consensus, il était de l'ordre de 2,7 millions. C'est le site qui est situé dans les Afar en Éthiopie. On avait trouvé, donc il y a une petite trentaine d'années maintenant, des artefacts qui indéniablement avaient été aménagés par un individu. Alors le problème, c'était de savoir quel était cet individu. On ne l'a jamais su réellement d'ailleurs, puisque dans les sédiments qui étaient associés, mais à des distances de l'ordre de plusieurs kilomètres, on avait retrouvé beaucoup de candidats possibles. Donc c'était, disons, 2,5 millions sans connaître effectivement l'auteur. Et ces outils de l'homécui, on les date d'à quelle période ? Ah ben, les outils de l'homécui ont fait un recul, je dirais, considérable dans le temps, puisqu'on passe à 3,3 millions. 3,3 millions, ça fait, bon, disons, qu'est-ce qu'on trouve à 3,3 millions ? Je dirais pas exactement les mêmes objets, mais disons, ce sont des objets qui ont été transformés, qui ont été aménagés aussi par des individus. Et comme pour le site antérieur de 2,7 millions, l'individu, on ne le connaît pas. Et il y a un problème supplémentaire par rapport au site précédent de 2,7 millions, c'est que à l'homécui, on n'a pratiquement pas de vestiges, je veux dire, de fossiles. Le seul que l'on connaisse, c'est le Kynapithecus. Et le Kynapithecus, par ce nom barbare, signifie bien qu'on n'a pas affaire à un homo. Donc ça a été le problème, je dirais, de cette découverte, c'est qu'on n'avait pas de candidat potentiel. Ce qui est intéressant à dire, c'est que là, on a un très gros problème d'identification des auteurs. Mais dans toutes les littératures, vous verrez qu'il est systématiquement associé à un outil, la présence d'un homme, en tout cas dans le genre homo. Or, en fin de compte, il faudra vraiment attendre 1 million d'années pour trouver réellement associé dans un site archéologique des restes humains et des outils. Et à supposer que les restes humains ne sont pas des restes culinaires. Voilà. Donc, vous voyez, il faut rectifier. Mais comme on aime bien, je veux dire, vous savez que plus on recule dans le temps, moins on a de données. Et on passe souvent du récit scientifique au roman. Mmh. Et donc, il faut un peu rectifier la vérité à ce niveau-là. Mmh. Roquin de Rocaille ressemble... On parle d'outils. Peut-être faut-il les décrire, ces outils. Peut-être d'abord les outils attestés dont parlait Éric Boéda à l'instant. Ces outils à 2,7 millions qui ont été retrouvés, corrigez-moi si je me trompe, en Éthiopie sur le site de Gona. Ça ressemble à quoi? On parle d'outils, mais concrètement, c'est quoi? Alors, c'est quand même une première chose à dire. C'est que ces premiers outils souffrent aussi d'une grande difficulté à les reconnaître. C'est-à-dire que on a un ensemble de méthodes qui nous permettent d'étudier ces pièces pour mettre en avant des critères qui nous permettent de dire ce sont des outils ou ce ne sont pas des outils. C'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs éléments qui peuvent nous permettre d'assurer que des éclats de pierres sont réellement des outils. Alors d'abord, évidemment, le contexte dans lequel ils vont être retrouvés, c'est-à-dire s'ils sont retrouvés dans un niveau avec une stratigraphie bien datée, etc. Donc évidemment, le contexte dans lequel on le retrouve. Et puis, la nature même de ces outils, en général, on a des critères qui nous permettent de décrire ce que c'est qu'un éclat, c'est-à-dire un fragment de roche qui a été fracturée à partir d'un bloc. Intentionnellement. Il faut savoir, c'est que des éclats, la nature peut également en produire. Donc, dans des contextes, par exemple, de rivière, dans des contextes glaciaires, il peut y avoir des fracturations naturelles de la roche. Donc, ça ne suffit pas, de la présence d'un seul éclat pour considérer qu'on a affaire à des outils. Par contre, dans ces premiers sites qu'on retrouve, donc que ce soit à 3,3 millions ou à 2,6 millions en Éthiopie, à Kadagona, on retrouve non seulement des éclats, mais également les nucléus, c'est-à-dire les blocs ou les galets à partir desquels ces éclats ont été produits, et puis une série d'éclats, plusieurs enlèvements sur ces blocs, donc une chaîne opératoire qu'on peut reconstituer et qui nous permettent de mettre en évidence des récurrences à la fois dans les produits qui sont obtenus, donc ces éclats qui sont les outils, et également dans la façon de les produire. Donc c'est tous ces éléments les uns à côté des autres qui permettent vraiment d'assurer qu'on a affaire bien à des outils fabriqués de façon intentionnelle par l'homme qui maîtrisait tous les caractères de la fracturation de la roche et donc qui a intentionnellement obtenu des types d'éclats particuliers. Il y a évidemment, j'imagine, en plus, la notion de quantité de ces outils que l'on retrouve qui écarte de facto un aspect qui pourrait être accidentel. Exactement, oui, la quantité et puis la récurrence des chaînes opératoires et des stigmates qu'on peut retrouver sur ces éclats. Alors ces éclats, ils ont également différentes caractéristiques, c'est-à-dire que c'est pas une production aléatoire et ça c'est mis en avant par les auteurs notamment du site de l'Omekwi, donc Sonia Armand et son équipe, c'est que dès ces premiers outils, on a vraiment affaire à une, comme je le disais, une maîtrise vraiment des caractères techniques de la roche et des connaissances qu'il faut avoir pour produire des éclats, avec l'intention de produire des tranchants et différents types de tranchants sur ces blocs de matières premières. À quoi, que si vous deviez les décrire pour nos auditeurs qui nous écoutent, et on va mettre évidemment des images, c'est déjà fait d'ailleurs, quelques-unes ont commencé à être postées sur notre compte Twitter à la méthode FC, mais si vous deviez les décrire, je disais dans l'introduction, on parle d'outils unipolaires et unifaciaux, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ils ressemblent à quoi? Un des grands problèmes aussi liés à la reconnaissance et à l'interprétation de ces outils, c'est que ils ont un aspect frustre, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, on peut montrer certains outils plus récents de la préhistoire à n'importe quelle personne vivant aujourd'hui, il va directement reconnaître que c'est un outil, puisque ça ressemble à des outils qu'on a, nous, dans notre... qu'on utilise de façon quotidienne, une hache, un couteau, etc. Ou même des bifaces ou des pointes de flèche, voilà, ou des choses qui sont manifestement taillées. On a une mémoire de ces outils qui nous est arrivée. Ces outils-là, c'est ce qu'on appelle des éclats, c'est-à-dire des petits fragments de roches qui présentent des tranchants, et ça, c'est extrêmement important dans ces outils-là, qui peuvent avoir des formes différentes, quadrangulaires, convergents, donc des espèces d'outils un peu avec on pourrait dire une pointe, une partie convergente. Ils ont souvent aussi ce qu'on appelle des dos, c'est-à-dire une partie un peu plus épaisse qui faisait partie du bloc et qui a été enlevée avec l'éclat. Et ça, c'est extrêmement récurrent dans beaucoup des industries dans lesquelles on retrouve ces productions d'éclats et probablement liées à leur utilisation, puisqu'effectivement, ce dos permet aussi probablement une prise en main pour l'utilisation de ces tranchants. Éric Boéda, vous vouliez ajouter quelque chose à ce premier descriptif de ces outils. Quelle est la différence, par exemple, entre ces outils découverts à Lomékoui et ceux de 2007 d'Éthiopie ? Il y a une évolution entre ces différents outils ou ils sont très similaires encore ? Ils sont relativement similaires. Mais ça, c'est normal, c'est lié à l'évolution des techniques. Et ce qu'on observe sur le temps très très long, c'est que les critères de prédétermination, c'est-à-dire ce qui nous semble absolument nécessaire pour faire fonctionner l'objet, un dos, un tranchant, comme l'a dit Roxane, c'est peu de critères par rapport à l'ensemble de la pièce. Donc, ce que l'on va voir au fur et à mesure du temps, c'est que l'homme va s'imposer un certain nombre de contraintes techniques. Et ces contraintes techniques, donc, vont nécessiter des savoir-faire différents et vont amener à des formes répétitives. Et c'est pour ça qu'on va les repérer. Donc, les premiers outils, globalement, je dirais qu'ils sont tous à peu près identiques. Il n'y a pas réellement de différence. Je voudrais revenir juste sur le point que le problème de l'association de ces outils avec l'homme. Je pense qu'on abordera le problème de l'éthologie. Bien sûr. Parce que c'est pas du tout une évidence absolue, je dirais. On peut avoir effectivement une autre perspective que celle qui me semble bien romanesque. Alors, on va évidemment parler d'éthologie, on a parlé, vous nous direz tout à l'heure si c'est de façon abusive ou non, même d'âge de pierre pour certaines populations de grands singes. Mais avant cela, j'aimerais peut-être qu'on dise un mot précisément, puisque vous l'évoquez, Éric Boéda, on a longtemps associé dans l'histoire de la préhistoire telle qu'on la raconte aujourd'hui, l'apparition du genre homo, liée de cette apparition à l'outillage et à l'apparition d'outils. Est-ce qu'il faut aujourd'hui complètement revoir cette association, selon vous ? Oui, là, maintenant, je veux dire, on a suffisamment de données sur le plan de l'éthologie pour supprimer effectivement ces données. Pour faire rapide et très simple, lorsqu'on travaille à la fois sur les grands singes en Afrique ou sur les macaques au Brésil, on se rend compte de deux choses. Ils vont manipuler deux types de matériaux. L'un est la pierre, l'autre est le végétal. Pour la pierre, c'est extrêmement simple. Alors, on les voit casser des noix, mais on va un peu se détacher de cette observation et on va regarder sur un plan physique, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils utilisent. On remarque qu'ils vont sélectionner un bloc qui a une certaine masse et ils vont mettre une noix soit sur des racines dures ou soit sur une autre pierre. Et donc, ils vont fracturer cette noix. Ils vont la casser, mais en réalité, ils utilisent la masse et uniquement la masse. Quand on continue ces observations, on va se rendre compte que souvent, des fois, ils tuent des animaux en écrasant avec des pierres. Donc là encore, ils utilisent la masse. Des fois, ils sont attaqués par des jaguars et ils montent sur la falaise. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient des blocs. Donc là, ils utilisent encore la masse. On les voit aussi des fois ouvrir la terre. J'utilise ce terme d'ouvrir parce qu'ils vont chercher des racines ou des araignées dans le sol. Et au lieu d'utiliser la main, ils vont prendre un objet en matière minérale dure pour effractionner la terre et non pas pour l'ouvrir tel qu'on ouvrirait une boîte de conserve. Mmh. Le bloc peut être rond, quadrangulaire, triangulaire, quelque part, c'est pas leur souci. Donc là encore, ils utilisent la masse. On voit bien que ces primates et ces singes n'utilisent en aucun cas l'autre propriété qui a été signalée par Roxane, qui est que la nature est capable, par des phénomènes de gélifraction, c'est-à-dire des écarts de température, par des phénomènes de compression, de produire des tranchants naturels. Le tranchant n'est absolument pas utilisé actuellement par ces primates. Absolument pas. Alors, donc ils ne transforment pas la matière minérale. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne transforment rien ? Ben justement, si, et c'est là où c'est intéressant, ils vont transformer le végétal. Vous connaissez tous l'idée, l'image classique du chimpanzé qui met une brindille, un morceau de bois dans la termitière pour récupérer les termites. Au Brésil, on a une autre spécificité, c'est qu'ils vont faire effectivement des bâtons et ils vont chercher dans les ornières des pierres, les lézards qui y sont cachés pour les déloger. Donc là, ils vont fabriquer effectivement, ils effeuillent, ils vont couper cette branche pas de façon très standardisée, hein, mais bon, ils vont la couper aux deux extrémités. Et donc là, ils transforment la matière végétale. Donc les premiers outils, moi, les singes, cette catégorie, bon, j'aime pas beaucoup ce terme, disons, pour être simple, utilise la pierre sans la modifier et sans utiliser un caractère affordant qu'est le tranchant naturel. Par contre, il transforme les matières végétales pour en faire effectivement des outils. Et vous avez prononcé le mot de standardisation, on verra tout à l'heure qu'il est important. Tout de même, j'aimerais vous soumettre cette étude, Éric Boéda, ce constat plutôt, qui date de novembre 2016 et qui montre que des singes capucins peuvent produire des éclats de pierre coupants, alors dont ils ne font rien, dont ils ne se servent pas. Néanmoins, ils arrivent à les produire. Est-ce que ça doit vous pousser à relativiser le point de vue que vous venez d'exprimer? Ça renforce mon point de vue pour deux raisons. D'abord, ces capucins, on les connaît très bien parce qu'ils viennent régulièrement, puisque nous fouillons au Brésil, là où ils existent. Et à force de leur donner à manger, ils considèrent que tous nos outils sont à manger. Donc on est, d'ailleurs récemment, il n'y a pas plus tard que 3 mois, nous avons été attaqués par une de ces bandes. Donc l'homme, il le connaît bien. Donc ça veut dire qu'il limite les gestes des hommes. Donc ça, c'est une chose. Hein. Ce n'est pas les observations en conditions caméra cachée. Pas du tout. La deuxième chose, c'est que quand on regarde l'ensemble des films qui ont été faits, on se rend compte que ces capucins utilisent des percuteurs et frappent d'autres galets pris dans une matrice sableuse. Donc les galets sont prisonniers et ils tapent. Et au bout d'un certain temps, ils lèchent. Puis ils retapent. Ils lèchent. Et puis évidemment, quand vous continuez à taper sur un œuf, c'est à peu près sûr qu'il va y avoir des coquilles. Et donc c'est ce qui se passe, il y a des fracturations qui vont s'opérer et les gros éclats sont eux-mêmes récupérés pour être de nouveau fracturés, cassés, écrasés contre la matière et léchés. Alors évidemment, dans ce cadre-là, quand vous allez taper, à peu près 400 fois sur un bloc avec un autre bloc, vous êtes à peu près certain qu'il va y avoir des déchets, qu'il va y avoir des éclats. Maintenant, comme l'a bien aussi signalé Roxane, quand on regarde l'ensemble des objets fabriqués par ces capucins, alors vous allez avoir à peu près 2 kilos de poussière, 3 kilos de gravier et 2 éclats. Alors, quand on va comparer par rapport aux productions que l'on retrouve en site archéologique, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Maintenant, je voudrais juste rajouter un petit point qui me semble relativement important, puisque dans cet article que vous signifiez, on connaît bien l'endroit, c'est un lieu où il y a énormément de sites archéologiques, que les macaques vivent effectivement dans cette région où il y a des sites archéologiques, et globalement, quand vous faites un trou, un sondage, pas n'importe où, mais disons que là où il y a de la matière première, là où il y a ces galets, nous avons une chance sur 2 pour retrouver des sites archéologiques, et sans macaques. Donc, la fouille qui a eu lieu justement là où les macaques ont été observés est un site avec des peintures rupestres, donc un site extrêmement connu, avec beaucoup de sites archéologiques environnants. Donc quand ils ont fait la fouille là où étaient les macaques, évidemment, ils sont tombés sur un site archéologique. Voilà, point. L'histoire est extrêmement simple. Elle se découle en 2 temps. Un temps où l'observation, est insuffisante, et le deuxième temps, il y a une confusion. Voilà. Vous confirmez, Roxane Roca, que parler finalement d'âge de pierre pour les grands singes ou pour les primates, c'est finalement une sorte d'appellation abusive? Surtout, il faut quand même signaler que les grands singes actuels sont aussi le fruit d'une évolution. C'est-à-dire que là, si effectivement le matériel qui a été étudié comme étant le résultat de production de singes, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où ce site est daté, les singes n'ont peut-être pas les mêmes comportements que ceux qu'ils ont actuellement. Donc on ne peut pas non plus imaginer qu'il y ait une espèce qui aurait changé, évolué à travers le temps, qui serait l'homme, et puis finalement les grands singes qui seraient restés les mêmes et qui auraient eu de tout temps les mêmes comportements. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons des premiers outils générés par, alors faut-il dire, le genre humain, puisque, encore une fois, ces premiers outils qui remontent à plus de 3 300 000 ans, qui ont été retrouvés sur le site de l'homme Mekwi, mais ne seraient peut-être pas ou n'auraient peut-être pas été produits par le genre homo à proprement parler. On verra tout à l'heure quels sont les suspects, quels sont les populations que l'on peut imaginer avoir produit ces premiers outils qui ont été découverts un peu dans les années 2010. Nous en parlons avec Roxane Roca, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1 et en duplex depuis les locaux de France Bleu Gironde à Bordeaux, avec Eric Boéda, qui est professeur de préhistoire à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Peut-être faudrait-il, Roxane Roca, aussi redire un mot, parce que là, on manipule des grands chiffres, on dit 3,3 millions, 2,7 millions. Peut-être redire un mot des époques préhistoriques que cela recouvre et de l'évolution, parce que quand on parle de l'industrie lithique ou de l'industrie paléolithique, en fait, ça couvre des périodes préhistoriques extrêmement vastes. Oui, effectivement, c'est extrêmement vaste. Et disons qu'on a l'habitude de diviser tout le paléolithique en trois grandes périodes. Alors, pour se rendre compte plus ou moins de cette notion de temps et pour essayer de se la figurer, on pourrait imaginer qu'on fasse un pas pour 1000 ans, donc plus ou moins un mètre pour 1000 ans. Donc, avec un pas, on est au milieu du Moyen-Âge. Un deuxième pas, on serait à l'an zéro. On va faire, on va dire, pour arrondir, 7 autres pas ou 10 pas, et on va arriver au début de la préhistoire, donc dans la fin du paléolithique supérieur, qui donc dure jusqu'à environ 40 000 ans. Donc on est à 30 pas. Et donc cette avant le paléolithique supérieur, donc qui est caractérisé surtout en Europe, défini en Europe, en Afrique, on l'appelle plutôt le Late Stone Age, mais en Europe, c'est le paléolithique supérieur, qui est, disons, caractérisé par la présence de l'homme moderne, donc de Sapiens, notre Sapiens, voilà, notre espèce, et au niveau de l'industrie, une explosion, on va dire, de l'industrie lithique, avec notamment des productions laminaires très spécialisées et très voilà, et d'autres types d'outils, des outils en os, l'apparition de l'art, donc voilà, des choses qui en général sont directement dans les représentations de ce qu'on imagine de la préhistoire. Mais voilà, ce paléolithique supérieur ne commence que aux alentours de 40 000 ans. Ensuite, on remonte dans le temps jusqu'au paléolithique moyen, donc qui, encore une fois, en Europe, serait plutôt associé à l'homme de Néandertal, même si c'est un peu plus compliqué, surtout sur le continent africain. Et là, on va jusqu'à 300 000 ans. Donc, on fait de nouveau 300 pas pour arriver au début du paléolithique moyen. Alors qu'on n'en a fait que 40 pour arriver à l'homme moderne. Hein. Exactement. Voilà. Et pour arriver à l'origine donc des premiers outils dont on a parlé jusqu'à maintenant, donc 3,3 millions, là on va faire 3 km et 300 mètres, donc le paléolithique inférieur, cette période donc qui commence à 3,3 millions et qui dure environ jusqu'à 300 000 ans, est extrêmement longue et évidemment extrêmement variée selon les périodes, selon les continents, et nous on a finalement que des tout petits indices extrêmement ténus de toute la vie qu'ont eu ces groupes humains dans cet immense espace géographique et à l'intérieur de ce temps extrêmement, extrêmement long. Et comme le disait Eric Boéda, de l'extrême faible nombre de sources archéologiques dont on dispose et qui sont extrêmement éparses sur une période très très longue. Peut-être pourrions-nous dire un mot, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, Eric Boéda, sur ce qui était jusqu'à le Mekwi considérés comme les plus anciens outils, donc le site de Gona, 1976, 2007, vous en parliez tout à l'heure. Ce site-là, on l'a donc associé à la naissance du genre homo, mais est-ce qu'on peut l'attester? Vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas de traces précises, qu'on n'a pas d'indices exacts quant à l'auteur de ces, aux auteurs de ces tout premiers outils ou de ces outils très anciens, Eric Boéda. Oui, c'est un raisonnement en étage. En fin de compte, on n'a pas la preuve de l'association. Je veux dire que donc, on a la voiture, mais on n'a pas le conducteur. Mmh. Hein, les choses sont absolument claires. Par contre, on a beaucoup d'individus, des australopithèques graciles, des australopithèques plus grands, et peut-être aussi des formes ancestrales de l'Homo habilis, qui vivent dans le secteur. Voilà, la voiture est stationnée à Paris, et les individus, on les a retrouvés un peu partout dans l'Europe, mais pas à Paris. Bon, qu'est-ce qui nous a fait dire que c'était du genre homo? Tout simplement parce que on a, avec le roi Gourand, on a effectivement mis en avant la bipédie comme étant libératrice de la main, et que la bipédie était un élément fondamental de l'évolution du cerveau. Disons, voilà, il y a une espèce de mécanisme qui se met en marche. Et comme on avait retrouvé, d'ailleurs, à peu près à la même période que le mec qui en avait retrouvé des traces de pas d'un enfant et d'un adulte qui témoignaient d'une bipédie absolument parfaite, on s'était dit, bon, globalement, c'est le genre homo qui apparaît. Voilà. Lucie, elle claudique un peu. Bon, je veux dire, vous savez, Lucie, l'australopithèque a été découvert par Johnson. On a dit beaucoup de choses. Je veux dire qu'elle était morte en se noyant. Maintenant, elle est morte en tombant d'un arbre. Oui, donc, oui. Il y a eu beaucoup de romans, voilà. Là, pour le coup, vous qui dénonciez le roman tout à l'heure, là, il y a eu beaucoup de romans autour de Lucie. Il y a eu plusieurs tomes. Voilà, tout à fait. Peut-être qu'on va apprendre qu'elle s'est suicidée à un moment donné, mais disons, je ne souhaite pas. Mais non. Voilà, non, c'est pour vous dire que c'est réglé. Lucie, juste pour préciser, excusez-moi de vous interrompre, Lucie, juste pour préciser, on est dans cette période temporelle-là. On est à 2,5 millions, 2,7 millions. On est dans cet environnement temporel, un peu plus vieille. Elle est un peu plus... Ouais, disons que... Bon, disons, La famille à laquelle elle appartient, l'Australopithecus gracile, couvre une période qui pouvait effectivement montrer qu'elle pouvait être aussi une des candidates de ces outils, mais surtout pas. Je voudrais rajouter que si on avait découvert à 2,7 millions des outils en Afrique, nous avons fait des fouilles en Chine avec nos collègues chinois dans le site de Longupo qui nous a donné un ad de 2,5 millions. Alors ça avait soulevé un problème extrêmement intéressant qui était... que pratiquement à la même période, dans deux régions du monde, je dirais relativement éloignées, même plus que relativement, nous avions des artefacts qui étaient manifestement fabriqués par un individu intelligent. Alors quand on compare ces artefacts, les artefacts chinois ne ressemblent en rien aux artefacts européens. Je ne veux pas dire qu'ils mangeaient déjà avec des baguettes, mais la différence était déjà très très nette. Et je dirais même qu'ils étaient à un stade d'évolution qui était à mon sens supérieur à celui qu'on avait en Afrique. Donc grâce à la découverte de l'Omeki, je veux dire que l'Afrique est redevenue en tête avec son ancienneté. Vous pouvez juste nous dire précisément quand vous dites que ce que vous... Parce que là on est sur une période très courte à l'échelle de la préhistoire, on est sur 200 000 ans d'écart entre les artefacts de Gona et ceux que vous venez de décrire en Chine. En quoi ces artefacts sont plus évolués? Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous dire quelle est la différence entre ces deux types d'objets? Oui, alors c'est très simple. En Chine, les matériaux qui étaient disponibles étaient des galets. Et les galets ont une morphologie, une silhouette qui peut présenter une surface de une partie préhensive tout à fait naturelle, ce qu'on appelle un problème d'affordance. C'est-à-dire que l'objet naturel présente en lui des caractères fonctionnels qui ne seront pas nécessaires d'être aménagés puisqu'ils sont déjà présents. Et donc on va voir que ces galets vont être mais à 80% utilisés pour aménager des tranchants convergents, des tranchants linéaires, des tranchants avoyés. Donc on a une meilleure normalisation des outils. Alors c'est pas le fait qu'il y avait des galets qui n'avaient que ça, parce que je dirais, quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'ils ont sélectionné les galets en plus. Donc c'est pas comme je ferme les yeux, je vais au supermarché. Non, ils ont choisi des marques bien précises. Alors qu'en Afrique, ce qu'on a est complètement différent, puisque la voie qui a été prise, c'est une voie où on fracture des blocs, et c'est les éclats qui sont issus de cette fracturation qui vont être utilisés. Vous voyez, donc en Asie, on va façonner comme une espèce de sculpture, et c'est l'objet final qui résulte de cette sculpture qui va être utilisée. En Afrique, on prend un bloc, on le débite, on le fractionne, et c'est les éclats issus de cette fracturation qui vont être aménagés. Donc, les notions de normalisation, les chemins vers la normalisation seront différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents en Chine et moins intelligents en Afrique. C'est quand on prend deux voies qui sont complètement opposées. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la voie chinoise n'est pas une voie qui va permettre énormément d'expression de variabilité. C'est pour cela, d'ailleurs, que nos collègues chinois ne reconnaissent en rien la séquentialisation que l'on fait entre paléolithique inférieur, paléolithique moyen, paléolithique supérieur. Pour eux, c'est une espèce de laps de temps qui va durer plus de 2,5 millions d'années et le néolithique va apparaître à 6 000 ans, point. Donc, tout ce qui est au milieu, ça n'a pas de nom. Nous, on donne des noms. Pourquoi on donne des noms ? Parce qu'on reconnaît des choses. Bon, on reconnaît, on comprend rien, soyons clairs. Mais on reconnaît des formes, on reconnaît des silhouettes. Et à partir de là, on va pouvoir dire « Ah ben ça, c'est une période archaïque ou une période évoluée ». Vous voyez, alors déjà, on introduit des noms, mais ces noms, même s'ils n'ont aucun sens, ils témoignent de notre façon de percevoir, qui est celui des yeux. Voilà. Et donc, il y a dans tout le bassin méditerranéen, et au sens large, c'est-à-dire le Proche-Orient, l'Europe et l'Afrique, ça c'est un monde, voilà, où tout ce qu'a dit Roxane est parfaitement juste. Vous allez effectivement en Asie, du Sud-Est, bon, en Asie centrale, ou même, je veux dire, au Vietnam, Cambodge, tout ce qui est à droite du Bangladesh, et là, bon courage pour repérer des choses classiques. Un mot, justement, Roxane Roca, sur ces artefacts ou ces outils de l'homme Ekoui. Il y en a un grand nombre, hein, on trouve, vous me corrigerez si je me trompe, quasiment 150 objets de pierre taillés, des ossements fossiles animaux, il faut le préciser. Précisez-moi les techniques, puisque Eric Boeda vient de les expliquer, les techniques qui sont utilisées, effectivement, on parle de nucléus à deux mains contre un caillou posé au sol, de ces techniques de taille qu'on peut attester sur ces objets de l'homme Ekoui. Alors, je voudrais d'abord juste préciser que, par rapport à ce qui a été dit avant sur la différence entre ces industries chinoises et les premières industries africaines. Donc, d'un côté, on va dire un monde plutôt de l'éclat où c'est les produits qui sont issus de ces blocs qui vont être les outils. Et puis, un monde plutôt où ces blocs sont façonnés, sont sculptés, entre guillemets, pour obtenir des outils. Il faut dire que la définition de la première phase de la préhistoire, avant qu'on découvre ces sites très anciens, donc à 2,5 millions, 3 millions, etc., ces sites africains étaient considérés comme des sites dans lesquels on retrouvait justement ce type d'outils, c'est-à-dire des galets aménagés. On considérait que les outils, c'était les galets sur lesquels on avait retiré quelques éclats. Et effectivement, depuis quelques années, notamment après la découverte de ces sites anciens où on se rend compte que c'est plutôt de la production d'éclats, on a aussi un regard un peu nouveau sur ces industries africaines autour de 2 millions d'années, 1,4 million, défini par Oldowayen depuis les années 30 par le couple Liquet à partir de ce site très important dans le Douai qu'ils ont fouillé pendant très longtemps, qui est encore fouillé. Donc on a toujours quand même dans ces premiers outils plusieurs options techniques qui sont possibles. On disait tout à l'heure, ces outils se ressemblent beaucoup, même s'ils sont éloignés dans le temps et dans l'espace. Mais finalement, on a quand même plusieurs options pour obtenir des tranchants dans ces premiers systèmes techniques. Alors après, pour les techniques, bon, il faut savoir quand même qu'il y a des contraintes de la matière pour obtenir un éclat qui sont importantes et que tous les hommes qui ont taillé ces blocs connaissaient. Et ça, on le sait, notamment grâce à l'expérimentation qui s'est beaucoup développée depuis, enfin qui a existé depuis le début de la préhistoire, mais qui s'est beaucoup développée depuis les années 70. On va y revenir dans le reportage dans quelques minutes. Oui. Voilà. Et donc c'est important de connaître ces critères-là, donc des angles particuliers pour débiter ces éclats, des surfaces particulières qui permettent d'obtenir ces éclats. Et finalement, ces contraintes techniques, elles sont connues et elles peuvent être soit maîtriser en sélectionnant, comme c'était dit avant, directement des blocs qui présentent déjà ces critères. Donc voilà, on sait qu'on veut obtenir un éclat de telle morphologie. On va sélectionner un bloc avec des surfaces convexes, un angle de 90 dans la réserve de matière première. Ensuite, on va voir qu'à travers le temps, ces contraintes, elles vont pas être non seulement sélectionnées, mais également aménagées par les hommes, et ils vont contrôler ces contraintes-là et pour aller au plus près de l'outil qu'ils veulent obtenir. Et pour l'Omekwi, à proprement parler, on parle de deux types de techniques, la percussion directe ou la percussion bipolaire sur enclume. Vous pouvez nous expliquer la différence? De percussion directe, c'est-à-dire le fait d'avec un percuteur, donc il y a un autre outil qui est un bloc de matière première, en général un galet ou un objet assez rond, qui doit avoir présenter des convexités, on va percuter directement le bloc de matière première, justement sur une partie de ce bloc qui présente ses critères techniques particuliers. On peut pas, si on tape au milieu, il va rien se passer. Il faut qu'il y ait un angle inférieur à 90 degrés et une face surface plane opposée à une surface convexe. Ensuite, la percussion bipolaire sur enclume consiste à poser ce bloc sur une enclume, c'est-à-dire un autre bloc, et à taper sur le bloc toujours avec un percuteur, et finalement il y a un effet de contre-coup qui va ouvrir le bloc un peu différemment de la percussion directe. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de l'outillage préhistorique, des premiers outils découverts. Alors de la main, encore une fois, c'est pas encore très bien qui est le coupable. On va essayer d'élucider ce mystère au cours du temps qui nous reste, un peu moins d'une petite demi-heure, avec Roxane Roca, qui est maître de conférence à l'Université Paris 1, Éric Boéda, qui est professeur de préhistoire à l'Université Paris Ouest Nanterre. Alors on a parlé un peu de ces premiers outils, notamment des outils trouvés à l'Omekwi, qui font remonter à un peu plus de 3,3 millions l'âge du premier outil découvert d'une main humanoïde, disons, ou hominidée plutôt. Et il y a une branche de la paléontologie qui s'occupe précisément de suivre à la trace les outils découverts dans les fouilles, c'est la tracéologie. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc, en gros, je résume à la louche, vous avez essayé d'aller découper votre steak de la cantine, mais avec des bifaces, et c'est pas super facile. Non, pas du tout évident, et du coup j'ai cassé l'assiette. Bon, j'ai rencontré Anthony Borel, qui lui est maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle, et il m'a fait découvrir dans son laboratoire du Musée de l'Homme comment on peut faire parler les pierres. Alors rassurez-vous, on n'a pas mené d'expérience surnaturelle, mais Anthony Borel m'a simplement montré comment les traces laissées sur les outils préhistoriques peuvent nous en dire long sur leur fonction ou encore sur leur utilisation. Alors, pour faire parler ces outils taillés, se mettre à la place du tailleur de pierre n'est souvent pas inutile. Mais ce qui est aussi très important, c'est de savoir lire au microscope ces traces qui varient d'une pierre à l'autre et d'un matériau à l'autre. La tracéologie se base en fait sur l'analogie entre le matériel archéologique et puis du matériel expérimental. Donc l'expérimentation est une phase vraiment indispensable en tracéologie. Lorsqu'on va travailler sur un site, On va regarder donc les différentes matières premières qu'il peut y avoir dans ce site et qui ont pu être utilisées pour confectionner les outils. On va essayer de retrouver des matières premières, sinon identiques, au moins similaires, pour produire des outils et mener nos propres expérimentations. Alors ça va être des expérimentations contextualisées selon la région, la période, etc. Et donc on va mener toute une série d'expérimentations pour observer les traces qui sont dues à ces différentes activités. Donc concrètement, vous allez par exemple couper un morceau de bois, couper un peu de viande, couper un os. Exactement. Alors du coup là, sous la table, il y a des petits morceaux de bois. Alors ça, c'est vraiment vos outils de recherche. Exactement. Ici, par exemple, si on fait un mouvement un peu décontextualisé, mais on peut tout à fait essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque l'on racle du bois, par exemple sur cet outil en silex. Donc on va pouvoir faire différentes activités. Là, je fais un mouvement rectiligne, décorçage du bois. Et on peut, comme ça, travailler le bois pendant 10 minutes, réobserver la pièce, retravailler dessus, réobserver et comprendre l'évolution des traces d'utilisation. Ça va être le type d'activité qu'on va pouvoir réaliser. Voilà, dépecer un animal, ce sont des choses que l'on peut être amené à faire dans ce genre d'expérimentation. On peut, une fois l'expérimentation menée, eh bien, documenter de façon très précise toutes ces traces qu'on a observées. Donc on va travailler sous microscope, à différents grossissements, donc d'abord même déjà pas forcément sous microscope mais simplement avec une loupe, puis une binoculaire pour aller à des grossissements un peu plus forts, puis des microscopes beaucoup plus puissants, voire même le microscope électronique à balayage où là on va atteindre des grossissements vraiment très importants, et on va documenter toutes ces traces. Alors les traces, donc je vais vous en montrer un certain nombre, vont être des stries, des polis d'utilisation, des résidus aussi, des émoussés sur les bords, etc. Et on se fait comme ça une sorte de catalogue, en fait, de dictionnaire de traces spécifiques à la matière première que l'on est en train d'étudier. Puisque si on va travailler, par exemple, sur du silex, on ne va pas du tout avoir les mêmes traces que si on travaille sur de l'obsidienne, qui est un autre type de roche et qui... C'est deux mondes complètement différents. Alors ici, vous avez principalement deux types de microscopes qui sont utilisés pour la tracéologie. Un premier qui est un stéréomicroscope. Pour observer les objets de façon plutôt macroscopique, on va aller jusqu'à 80 fois en grossissement. Et puis ensuite ici, il y a un microscope numérique qui lui va permettre des grossissements beaucoup plus importants. Alors c'est sur du numérique, donc on est sur de l'agrandissement, disons, jusqu'à 5000 fois. Alors, on va déjà démarrer la lumière. Voilà. Donc on fait une première mise au point relativement grossière. Et puis ensuite, on va pouvoir piloter l'ensemble pour pouvoir se promener en fait sur l'objet. Donc là, avec un joystick, vous pilotez un peu la tête de l'objectif. Exactement. Ce que l'on va faire ici, sur une observation comme celle-ci, c'est déjà faire un croquis de l'objet pour documenter et localiser surtout chaque trace que l'on va observer. Alors ici, vous voyez cette surface-là. Ici, c'est, ouais. C'est une zone qui, pour le coup, ne porte ni résidus ni traces. Et ici, ce que vous voyez brillant sont là des résidus. C'est une zone qui, en fait, porte les résidus de bois. Et on voit d'ailleurs des petites stries, ouais. Comme ceci, hein, qui sont en fait parallèles. Notre bord est comme ceci. Donc ces stries sont toutes parallèles au bord. Donc nous indiquent déjà là, en fait, le sens du mouvement. C'est expérimental et sert en nettoyage. C'est quelque chose que l'on va très rarement observer au niveau archéologique. On n'aura jamais quelque chose d'aussi clair. Est-ce qu'il y a des types de traces très spécifiques où là vous vous dites, bon, ça c'est obligatoirement utilisé pour couper du bois? Ça va être toute cette combinaison en fait de traces qui va permettre déjà de faire ces identifications. Mais l'expérimentation permet justement de faire ces classements, ces boîtes en fait, auxquelles on va pouvoir relier les types d'activités. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a, par exemple, des polis d'utilisation. Les polis d'utilisation, en fait, peuvent se chevaucher d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a certains polis dus au travail de l'os vont être très similaires à des polis dus au travail du bois de cervidé, par exemple. Donc, dans un état où le poli n'est pas très, très développé, ça va être très compliqué de faire les déterminations. Une fois que les polis sont beaucoup plus développés, on va avoir plus de facilité. Alors ça va être sur l'aspect du polis, sur sa répartition, sur son volume en quelque sorte, sa texture. Il y a différents critères comme ceci qui vont nous permettre de les déterminer. On va spécifier des zones de cette façon-là. Donc là, je donne un niveau le plus haut sur l'observation, un niveau le plus bas sur la surface de l'objet, et puis automatiquement, voilà. Et donc là, on va avoir un scan sur toute la profondeur de champ de l'objet pour obtenir une image nette sur toute la surface, et on peut directement aussi obtenir une modélisation 3D de la surface. Incroyable, ça c'est vraiment... qui va permettre de faire un certain nombre de mesures ensuite dessus. Donc là, on a vraiment, grâce à ce microscope, on pourrait avoir un plan de coupe voilà, de la pierre. Enfin, pas un plan de coupe, mais comme le relief finalement du caillou. Oui, exactement. Quand on nous demande une analyse de pièce, il y a beaucoup de frustration aussi. Vous êtes obligé d'être prudent. En fait, oui, voilà. Il faut faire ses interprétations avec prudence. Il se passe énormément de choses pendant des milliers et des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers. Si on n'a pas suffisamment d'éléments concluants et qui nous permettent de faire cette détermination avec un certain niveau de certitude, disons, on va s'en tenir à dire, bon, j'ai l'impression qu'elle a été utilisée, mais on ne peut pas tellement en dire plus. Voilà le reportage du jour sur ces techniques de tracéologie. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Eric Boeda ? Oui. Deux choses, je dirais. La tracéologie, effectivement, est très importante pour les périodes récentes, surtout pour les objets que l'on connaît bien, qui confirment effectivement qu'on connaît bien ces objets. Et elle porte principalement sur les tranchants. Je vais faire une analogie pour que les gens comprennent bien. Vous prenez un pneu et vous observez les traces d'usure du pneu. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de me dire si c'est un pneu de vélo, un pneu de moto, un pneu de voiture, un pneu de camion ? On se rend compte qu'effectivement, la tracéologie, je dirais, nous indique que les objets ont tous coupé, certains objets ont coupé, raclé, percé, tranché, taillé. Mais ça, on le sait rien qu'avec la morphologie des tranchants. Donc, ce qui est important pour nous, je dirais, préhistoriens, c'est de savoir ce qu'est au-delà du tranchant. Car un tranchant, je veux dire, vous pouvez l'avoir au bout d'une hache, vous pouvez l'avoir au bout d'un éclat dans une main, et on se rend compte que c'est pas le même objet. Donc les tranchants, les traces, évidemment, sont toujours similaires. Et plus on recule dans le temps, plus ces traces disparaissent par des problèmes de taphonomique. Moi, je voudrais aborder le problème de la mémoire, parce que ça, je veux dire, il nous reste peu de temps, et ça, c'est un élément extrêmement important qui avait été évoqué au début par Roxane. Quand on travaille sur une pointe de flèche, si je vous montre une pointe de flèche, vous allez me dire c'est une pointe de flèche. Mais dans votre tête, vous voyez très bien que cette pointe est associée à une hampe, cette hampe est associée à un arc, il est associé à un geste, à une technique, à des animaux. Donc vous voyez tout un ensemble de données à travers l'objet. Je vous montre un biface, je vous montre un galet aménagé, je vous montre un éclat de l'Omeki. Mais dites-moi ce que c'est. Dites-moi effectivement si cet objet a travaillé de cette façon-là, quelles sont les parties effectivement qui sont investies techniquement pour travailler, pour réussir telle action, quels sont les critères, les fonctions de signe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a mis effectivement le tailleur en plus de l'objet parce qu'il le voulait rouge ou vert avec des points jaunes, je veux dire. Comment fait-on pour retrouver cette mémoire d'objet qui nous est inconnue ? Donc, on est amputé de cette mémoire quand on travaille au-delà de 40 000 ans. Et je dirais qu'entre 40 000 ans et 3,5 millions, nous ne savons rien de ces outils. Nous savons, alors en revanche, ce qui est très surprenant, c'est que nous savons les fabriquer. C'est comme si j'étais capable de fabriquer une voiture, mais que j'étais incapable de vous dire à quoi ça allait servir. Et comment ça allait servir. Donc ça, c'est un problème. Et tous les objets de la préhistoire, d'ailleurs, ils ont des noms absolument sympathiques. Pointe-le-Valois, limace, burin-bec de perroquet, pointe moustérienne. Donc vous voyez, il y a des noms qui sont extrêmement diversifiés. Et ces noms indique effectivement que nous n'en savons rien. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on a depuis 3 millions d'années coupé, tranché, percé, taillé. Ça, on le sait. Mais quel type d'objets ont été utilisés, je veux dire, et c'est toute l'invention de l'homme. Je veux dire, on n'a pas parlé de l'homme, mais l'homme, il est derrière ça. Il est justement derrière ces espèces de changements systématiques. Il n'a pas inventé à mieux couper, il n'a pas inventé à mieux tailler, à mieux percer. Les objets sont performants. Je veux dire, vous prenez un éclat de silex, il n'y a aucun problème. Vous pouvez couper un éléphant, vous prendrez du temps, mais ça marchera. Donc, ce n'est pas un problème de tranchant, c'est un problème de ce qu'il y a en plus. Et ce « en plus », c'est l'expression de la variabilité humaine. Et je voudrais revenir justement par rapport aux premiers outils et par rapport à l'éthologie. Ce que nous montrent les singes, c'est qu'on peut transformer des matières premières mais qu'on ne touche pas à la matière. Le Meki nous montre qu'on a fabriqué des objets tranchants. Jusqu'à présent, les chimpanzés, en tout cas les primates, n'en fabriquent pas. On ne sait pas qui est l'auteur, mais on sait qu'à partir du moment où on voit apparaître Homo habilis, que Homo habilis rentre dans le jeu, il va y avoir une espèce de couplage entre ces objets tranchants, dont on ne connaît pas les auteurs, et cet individu. Et cet individu va, pendant 3 millions d'années, je dirais, systématiquement changer les objets. Mais pas pour mieux couper, pas pour mieux percer, pour faire exactement les mêmes actions. On va voir donc des changements et des évolutions de ces objets. Et je finirai pour dire que, si vous n'en êtes pas convaincu, regardez vos télévisions d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans. Regardez vos smartphones d'il y a 5 ans. Bon, et vous allez voir que les objets évoluent. Et que donc, un peu plus rapidement aujourd'hui qu'hier, tout de même. Ah oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est les cycles d'évolution qui vont changer. Les cycles, à l'époque, aux temps anciens, c'était effectivement de l'ordre du million, de centaines de milliers, de la dizaine de milliers, de la centaine et du millionné. Et maintenant, on est au niveau de la génération. Et justement, c'est là où la préhistoire recolle avec le présent. C'est que ces cycles d'évolution, on les connaît bien en préhistoire. On parlait de biface archaïque, biface évolué. Les anciens, quand ils disaient ça, ils avaient bien compris qu'il y avait une évolution qui se passait. Entre une Dodion bouton et une voiture actuelle, vous avez une évolution. Qu'est-ce qui change? C'est pas le cycle de transformation. Ce qui change, c'est la temporalité. Et justement, actuellement, on pourrait parler de la transgénie. On pourrait parler de la robotique, on pourrait parler effectivement d'un certain nombre de découvertes qui font que maintenant, tout va changer. Tous les mécanismes d'évolution qui avaient fonctionné de la préhistoire jusqu'à nos jours vont maintenant changer. Avant de parler de la transgénie, de la génétique et de la robotique, ce dont nous aurons l'occasion dans d'autres émissions, que nous avons déjà fait dans d'autres émissions, j'aimerais qu'on conclue sur ces premiers outils et notamment sur ces artefacts de l'Omekwi. Parce que il y a quelque chose quand même d'intéressant qui est un peu battu en brèche par ces nouveaux artefacts qui datent de 3,3 millions d'années, c'est qu'on a longtemps associé la techno-évolution, la techno-dépendance au changement climatique. On a dit l'homme s'est outillé parce que il n'y avait plus de forêt, la forêt s'était transformée en savane, il a donc dû s'adapter. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai, ou en tout cas, ces outils de l'Omekwi ont tendance à battre en brèche cette théorie-là, Roxane Roquin ? Bon, on va dire que cette théorie a été quand même déjà critiquée avant. Évidemment, on n'a pas donné l'Omekwi pour la critiquer. Mais voilà, donc effectivement, la question n'est pas seulement celle de l'adaptation, mais également des processus évolutifs plus complexes qui ont mené à ces phénomènes-là. Mais je crois que voilà, cette théorie était déjà critiquée, même si évidemment l'environnement est également extrêmement important dans la compréhension des sites. Mais c'est pas forcément ce genre de grand modèle, on va dire, qui expliquerait absolument par un changement climatique, des changements à la fois physiques et culturels, on pourrait dire, assez remis en cause. Il y a une notion qu'on a abordée aussi tout à l'heure et sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, Éric Boéda, c'est la notion de standardisation, la notion de transmission. Elle est extrêmement importante puisque si l'outil n'est plus la seule raison de notre succès évolutif, peut-être que la façon dont on transmet la taille de l'outil et dont on l'améliore peut, elle, nous indiquer quelque chose sur l'évolution des différentes espèces, qu'il s'agisse d'Australopithèque, d'Homo habilis et plus tard évidemment Erectus, Sapiens, etc. Qu'en pensez-vous ? La transmission, moi, tout je dirais à fait. Pas. La transmission, la standardisation de l'apprentissage, la façon dont on améliore l'apprentissage, etc. Oui, c'est un grand mot, apprentissage, hein, parce que derrière apprentissage, il y a un système social. Moi, je préfère utiliser le terme d'imprégnation. Mm-hmm. Vous savez, les enfants, ils regardent leurs parents. Mm-hmm. Et donc, c'est surtout, on imite ce que l'on voit. Non, je crois pas. Je veux dire, c'est vous savez, il y a un problème. On est face à des objets qu'on ne connaît pas. Alors, on va essayer de les comprendre. Alors, on va faire venir les changements environnementaux. On va faire venir les changements humains. Et puis, à travers les changements humains, on va faire venir le cognitif. On va dire, on est de plus en plus intelligent. Donc, les sociétés se complexifient. C'est vrai qu'elles se complexifient, mais est-ce qu'on est de plus en plus intelligent? Ça, j'en suis pas sûr. Donc, moi, je crois qu'il faut aborder le problème de façon différente. Qu'est-ce qui caractérise le genre humain, je dirais? C'est effectivement que l'on va avoir, à travers le temps, des lignées d'objets qui vont devenir de plus en plus complexes. Et alors, cette complexité, elle se traduit par une espèce de standardisation, tout simplement parce qu'on les reconnaît. Mais si vous prenez n'importe quel arbre et que vous le coupez n'importe comment, je veux dire, vous allez reconnaître un arbre, vous n'allez pas me dire c'est un chêne, c'est un truc comme ça. Par contre, si vous les coupez, si vous regardez la façon dont les branches évoluent, vous allez être très précis. Plus on a d'informations, plus on sera précis et on se rendra compte que la normalisation, elle existe déjà à 3 millions 3. Simplement, elle porte sur 2-3 critères, pas sur 40. Et par contre, au niveau de l'évolution, on va voir que les objets vont devenir de plus en plus compliqués parce qu'on voudra les 40 critères et non plus 3 critères. Et quand on va arriver à 40 critères, tous les objets se ressemblent. Et donc, on va dire qu'ils se standardisent. Mmh. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi on va vers de plus en plus de critères techniques. Un couteau en céramique ne coupe pas mieux ni moins bien qu'un couteau en silex. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on transforme systématiquement? On a transformé systématiquement, qu'on soit en Afrique, qu'on soit au Proche-Orient, qu'on soit en Orient, qu'on soit en Asie. On a transformé systématiquement, qu'on soit Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Homo neanderthal. On a toujours transformé et on continue à transformer. Et donc, c'est ça qu'il faut poser. L'homme, derrière l'homme, pourquoi cette nécessité de ne jamais se satisfaire de ce que l'on a produit? Un dernier mot pour conclure cette émission. Vous dites, hein, Éric Boéda, que globalement, peu importe si ces outils sont de la main du genre homo ou australopithèque, finalement, pour vous, ça n'est plus ça qui est important. C'est ce que vous venez de nous dire également d'une certaine façon à l'instant. Vous ne pensez pas tout de même que si on peut attribuer ces outils à un genre particulier, je ne sais pas, que ce soit Kenyanthropus, comme vous le disiez, ou australopithèque, Afarensis, ou n'importe quel autre sous-genre d'australopithèque, que ça nous renseignerait un peu mieux sur ces espèces que l'on connaît encore relativement mal, sur ces sous-espèces du genre homo? Oui, mais alors là, vous allez vous attaquer à un gruyère où il y a tellement de trous, de toute façon, vous n'arriverez jamais à les combler. Moi, je préfère regarder un Gauguin et un Manet et être ému. Maintenant, savoir qui s'appelait Manet ou qui s'appelle Gauguin, je vois pas très bien ce que ça apporte. Alors, je comprends très bien que d'un point de vue paléontologique, on essaye effectivement de savoir en fonction de l'espèce, ce qu'il a produit. C'est un autre registre de questions. Je remets pas en cause ces questions-là. Je dis simplement que quand on est préhistorien, qu'on s'intéresse aux outils, posons-nous déjà la première question essentielle, c'est de quoi parlons-nous? Comment fait-on pour parler d'objets dont nous n'avons plus la mémoire? Imaginez un martien Kujat qui face à une voiture avec des pédales. Voilà, on est dans cette situation-là, vous comprenez? Donc on va pouvoir discourir, effectivement, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, mais de quoi parlons-nous? Or, la préhistoire avec le temps long va nous permettre effectivement d'aborder toutes ces questions d'une autre façon. Et c'est le message que je voudrais passer. Eh bien, c'est le message que vous venez de faire passer et j'espère qu'il aura été entendu. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci Éric Boéda, merci Roxane Roca d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parler pendant cette heure des problématiques liées à ces premiers outils. Merci également aux confrères de France Bleu Gironde à Bordeaux qui ont permis ce duplex avec vous, Éric Boéda. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Hugo Bartholomé, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le à la technique, Thibaut Gouffier au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture tout à l'heure après le journal de 18h dans Le Grain à Moudre. Hervé Gardette demandera à ses invités jusqu'où taxer la richesse. Dans quelques minutes, juste après les titres de l'information, ce sera une nouvelle semaine de LSD, la série documentaire. Cette semaine consacrée aux 100 ans après la révolution russe, héritée de 1917, une série signée Marie Chartron et Julie Béressy. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, séance de physique des particules. Nous parlerons de l'électron, l'une des plus petites particules élémentaires qui pourrait bien ne plus l'être